بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد شفخاي سور الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Et bienvenue encore une fois à notre série Les sciences dans le Coran al-Karim, la deuxième partie sur le message du Coran, le message du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On est toujours avec une introduction qui nous introduit, pas une introduction de notre séminaire, c'est une introduction pour nous introduire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On veut découvrir le message du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et on est en train de parler, on était en train de parler des miracles du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On avait dit que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dernier message au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que c'est le miracle par excellence, le principal miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé à Muhammad alayhi salatu wa sallam, notre cher prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a mentionné quelques formes de miracles qui pourraient nous les rappeler. Linguistique, informatif et législatif, voyez-vous. Par la suite, nous avons les miracles les plus populaires de nos jours, qui sont les miracles scientifiques. Les miracles scientifiques, ça veut dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans son livre de quelque chose qui est une réalité de ce monde, d'une partie de ce monde, mais que les êtres humains n'ont découvert que très récemment, à travers les nouveaux outils de recherche, etc., que les êtres humains ont pu développer en quelque sorte dans notre ère dans laquelle nous vivons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne ça en général. Qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ. On va leur montrer آيَاتِنَا, nos signes, dans leur propre création, dans leur propre personne, ainsi que dans les horizons, ça veut dire dans le reste de cet univers, jusqu'à ce que les gens puissent savoir que ça c'est la vérité qui vient d'Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ça c'est un sujet qui est très vaste, c'est un sujet qui est très populaire de nos jours. Chacun, je pense que chacun ici a déjà lu un article sur des miracles scientifiques dans le Coran al-Karim. Il y a plein de vidéos là-dessus, il y en a qui sont vraies, d'autres qui sont fausses, etc., etc., etc. On ne va pas entrer dans les détails, surtout que c'est un sujet plus scientifique. On va devoir ramener ici des vidéos, ramener des photos, etc. Ça ne va jamais en finir. On a besoin de tout un séminaire sur ça si on devait le faire. Mais pour vous donner quelques exemples comme ça qu'on connaît tous, comme par exemple la création de l'être humain. La création de l'être humain, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne al-atwar, ça veut dire les différentes phases par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien par lesquelles l'être humain, il passe à l'intérieur de la matrice de sa mère, par le qadr d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Les versets de sourate Al-Mu'minun 12 à 14 que vous allez voir avoir inshallah ta'ala dans votre liste de référence, vous pouvez les lire en français bi'idhnillah azza wa jalla chez vous à la maison. Mais encore une fois, l'idée ici c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ici le développement de l'être humain avant sa naissance, à l'intérieur de la matrice de sa mère. Et c'est quelque chose que la science n'a pu vérifier que récemment. Il y a de cela quelques décennies. C'est très simple, c'est parce qu'avant ça, les êtres humains ne possédaient pas les moyens pour pouvoir voir quelque chose qui était invisible, qui était caché par quelque chose de matériel. Ça veut dire à l'intérieur du corps de la personne, il n'y a pas de cela très longtemps que les gens ont commencé à, pouvoir mettre des rayons, X, etc., par lesquels ils peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur du corps de la personne. Donc est-ce que ça se peut que le prophète, alayhi salatu wasalam, pouvait voir ça par lui-même et vérifier ça pour nous le raconter? Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scientifiques qui, quand ils ont lu des versets comme ça, ils ont été émerveillés. Ils ont dit que c'est impossible qu'un simple homme peut venir avec des informations comme cette information là. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, tilka ayatullah natluha alayka bilhaqqi wa innaka lamina al-mursalin. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la création de l'univers أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre, ça veut dire cet univers, ne représentaient qu'une seule masse compacte que nous avons par la suite disloquée. Voyez-vous que cet univers à l'origine c'était une seule masse. Et que par la suite, ça a été disloqué. Et la science de nos jours aussi a démontré que cet univers-là vient à l'origine d'une seule matière. D'une seule matière qui par la suite, elle s'est répandue pour devenir l'univers que nous avons de nos jours. Comme j'ai dit, on ne peut pas entrer dans tous les détails, etc., etc., etc. Et il y a certaines conditions pour ce tafsir-là qu'on appelle « tafsir al-ilmi ». Pour cette explication scientifique des choses. Et ça, on va le voir, inshallah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, quand on va passer au, ça va être au sixième chapitre. Inshallah, on va parler des différentes approches de tafsir. On va parler de tafsir par la science. Tafsir ou l'ilmi, ça veut dire ce qui traite des miracles scientifiques. On va voir qu'il y a des conditions à respecter. Des conditions, ce n'est pas quelque chose comme ça, n'importe qui va lire un verset, va dire, ah, ça c'est un miracle scientifique. Ah, vous regardez des miracles scientifiques, n'est-ce pas? Le but de l'Qur'an Karim, il faut comprendre que le but de l'Qur'an Karim, c'est de nous guider. Ce n'est pas que ça soit un livre de science. Les livres de science, c'est à l'université, tu as des livres de science, ils t'expliquent qu'est-ce qui se passe dans cette vie, etc. Le livre, l'Qur'an Karim, c'est beaucoup plus haut que ça. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de la science. Et la science, c'est une chose qui est infinie. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé pour chercher la science. Ce n'est pas que tu ne dois pas chercher la science. Tu cherches la science, mais ce n'est pas le but ultime de ton existence sur cette terre. Tu cherches la science pour ton propre bien, pour que tu puisses bénéficier de la vie de ce bas monde, comprendre comment est-ce que les choses, elles fonctionnent, pour développer des outils qui te seront utiles, etc. Mais le but de l'Qur'an, c'est pour nous guider vers le droit chemin, c'est pour pouvoir avoir le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Voyez-vous donc, c'est pour ça que, comme j'ai dit, il ne faut pas trop se concentrer sur cet aspect-là des miracles scientifiques. Ça, c'est un aspect qui est important parfois pour affermir notre foi, pour faire la da'wa au non-musulman. Tu vas lui dire, écoute, regarde ce que la science a pu découvrir, regarde ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le Qur'an al-Karim, etc., pour qu'il puisse venir vers l'islam et apprendre plus sur la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wallahu yahdi ma yasha ou ila surat al-mustaqim. Mais ça ne doit pas être notre religion. Ça ne doit pas être notre religion, c'est parce que ta religion, toi, en tant que mu'min, alhamdulillah, tu as déjà le yaqin en Allah subhanahu wa ta'ala. Avance avec les bonnes actions. Va comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, il ne faut pas tomber dans l'erreur de rendre le Qur'an Karim comme un livre de science. Et on va parler de ça en détail, inshallah ta'ala. Et pour ceux et celles qui lisent l'arabe, et je pense que c'est même traduit en anglais à ma connaissance, certaines des meilleures références sur ce sujet de l'ijaz, l'ilmi, les miracles scientifiques, c'est les écrits de Dr. Zaghloul al-Najjar. Zaghloul al-Najjar. Zaghloul al-Najjar. Je peux vous écrire ça, inshallah ta'ala, dans le document de référence bi'idillahi subhanahu wa ta'ala. Bien, ça va être sur les notes de cours, inshallah. À ma connaissance, certains de ces livres sont traduits en anglais. À ma connaissance, c'est des livres qui sont bien faits, comme ça, avec des graphiques, etc. Il a un livre sur le ciel, as-sama, fi al-Qur'an al-Karim. Qu'est-ce que le Coran nous dit sur les cieux, comparé avec la science. Un livre sur les montagnes dans le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit à propos des montagnes? Qu'est-ce que la science elle nous dit à propos des montagnes? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'i'jaz al-ilmi. C'est ça les aspects principaux des miracles de l'Qur'an al-Karim. Mais il y a d'autres miracles qu'on va mentionner brièvement comme ça. Qu'on va mentionner brièvement. Ce n'est pas tout un aspect, c'est des points spécifiques. Première chose, min suwari i'jaz al-Qur'an, l'une des formes qui nous prouve que le Coran c'est un livre qui est miraculeux, c'est la préservation du Coran en tant que tel. La préservation du Qur'an al-Karim. Et ça c'est un miracle. Alhamdoukoumullah. Un livre, connaissez-vous, à part le Qur'an al-Karim, un livre, n'importe quel livre, dans cet univers, dans ce monde, qui a été écrit depuis de cela 14 siècles ou 13 siècles et qui existe jusqu'à aujourd'hui dans sa version intégrale, mot par mot, lettre par lettre, Et que c'est le même en Amérique ou bien en Inde, ils vont te lire la même version exactement. Connaissez-vous un livre comme ça? Non. Ça veut dire que c'est quelque chose de surhumain. Surhumain. On ne va pas aller 14 siècles en arrière. Aller juste 5-6 siècles en arrière, n'est-ce pas? Même en Europe, les écrits d'Europe, etc. Si tu veux demander à des personnes qui sont spécialisées en histoire, etc., de te ramener la lettre de tel roi, de telle personne, etc., souvent il va te dire « je ne peux pas la retrouver ». Et quand il va la retrouver, souvent ça va être une partie qui est, c'est en quelque sorte, c'est la version partielle. Et parfois, ils vont la retrouver, mais en plusieurs versions. Ils vont devoir faire une édition, « tahqiq ». Il va te dire « ah, selon la version A, il a dit telle phrase ». Dans la version B, il a dit une autre phrase avant de mentionner cette phrase, etc., etc. Parce que tout simplement, les moyens de transmission n'ont existé que ça, que très récemment. L'impression, ça veut dire l'imprimante, n'est-ce pas? Et l'écriture comme ça, avec des machines à écrire, après ça, les ordinateurs, etc. Et les emails, les outils de stockage, tout ça, c'est une chose qui est pas mal récente. Mais dans le temps, c'était tu écris avec ta main et tu passes à l'autre génération, à la prochaine génération. Donc, ça n'atteint pas plus que quelques siècles et c'est fini par la suite. Donc ça c'est le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala qui est non seulement préservé, mais il est préservé et répandu. Et on peut prétendre sans être gêné bi'idnillahi azza wa jalla, sans même avoir à ramener de preuves, on peut facilement prétendre que Al-Qur'an al-Karim c'est le livre le plus lu dans le monde et c'est le livre le plus lu à travers l'histoire. N'est-ce pas? La lecture de l'Al-Qur'an al-Karim dans le monde, seulement lors du mois de Ramadan, ça fait de lui, comme ils disent, un best-seller. Si c'était un livre d'un être humain. Voyez-vous? Alhamdoukoumoullah. Il y a des millions de musulmans, on ne va pas dire un milliard de musulmans, ce n'est pas tout le monde qui est si pratiquant que ça, mais si on va admettre, n'est-ce pas, qu'il y a un musulman sur 1000 qui est pratiquant, qui est vraiment attaché au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est quand même, on a pris une estimation très minime, n'est-ce pas, ça nous donne 1 million de personnes environ sur cette terre qui lisent le Coran de façon qui est constante et continue. Pour toute leur vie. Il y en a qui vont lire 4 versets par jour, 5 versets par jour. Je parle ici en dehors de la prière, en plus de la salate en tant que telle, sans parler de la salate. Voyez-vous? 5, 6 versets par jour. Il y en a qui vont lire un seul hizb. Il y en a d'autres qui sont des ubbad hors pair, n'est-ce pas, des adorateurs, des gens pieux, etc. Il y en a qui finissent le Coran à chaque 3 jours. Pendant presque toute leur vie, ils lisent le Coran al-Karim au complet à chaque 3 jours. Tu essayes de faire une estimation. Ça veut dire que le Coran a été lu combien de fois depuis, en quelque sorte, en 14 siècles? Il a été lu combien de fois en entier? Est-ce qu'il y a un livre qui arrive même à 1% de ce taux de lecture du Coran al-Karim? C'est impossible. Et ça, sans parler du fait, comme on l'a mentionné, qu'ils lisent tous la même chose, les mêmes lettres. Et sans parler du fait, on va faire hausser la barre un peu, ce n'est pas seulement qu'ils le lisent par cœur, ou bien qu'ils le lisent de façon qui est continue, il y a des milliers qui le... Afwan ? Disons des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, qui le connaissent par cœur. Qui le connaissent par cœur. Ça veut dire, c'est la même version. La même version, imaginez, ça même une compagnie qui a une multinationale comme ça, qui a seulement 500 employés dans le monde, elle a du mal à assurer les communications entre ces différentes branches dans le monde. Que tout le monde va suivre les mêmes règles, etc. Parfois, ils vont décider quelque chose ici au Canada, siège social. Et pour transmettre l'information partout dans le monde, ça prend toute une formation dans les autres branches, traduction vers les autres langues, etc., etc. C'est tout un travail. Et après ça, ils vont trouver qu'il y a des employés ailleurs dans le monde qui n'ont pas reçu ce message. Ils n'ont jamais lu cette lettre, ce changement, etc. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui coordonne. C'est naturel. C'est par le qadr d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Toi, tu es ici, tu vas aller, comme on l'a mentionné, Indonésie, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Australie, là où tu vas aller, tu vas trouver des musulmans comme toi. Tu vas dire, mon frère, viens, on va lire le Coran Karim. Le minimum que tu vas t'entendre avec lui, c'est quoi? C'est le Coran Al-Karim. Surat al-Fatiha, vous allez lire la même chose. Surat al-Ikhlas, la même chose. Et quand on parle bien sûr des dizaines de milliers de huffaz, ceux qui connaissent le Coran par cœur, c'est sans parler de presque chaque personne dans la Oumma qui connaît au moins une bonne partie de l'Al-Qur'an Al-Karim. Voyez-vous, c'est, regardez, juste le fait d'avoir une seule surah comme Surat al-Fatiha, qui est probablement connue par cœur, disons par au moins, comme ça on va enlever les enfants bas âge, etc. On va dire au minimum 500 000 personnes dans ce monde qui connaissent le Fatiha par cœur. Déjà ça, c'est imbattable. Trouve-moi un autre texte comme ça que les gens peuvent connaître par cœur et réciter aussi fréquemment. Tu ne peux pas, voyez-vous? Et ça, c'est un miracle qui va être très serviable si tu essaies de faire un débat avec quelqu'un de Ahlul Kitab, un juif ou un chrétien. Il te dit, mais prouve-moi que ça c'est la vérité, que ça c'est le message de Dieu, etc. Tu dis, mais est-ce que ton cœur est ouvert? Est-ce que ça veut dire, est-ce que tu es sincère? Si tu veux débattre pour débattre, ça ne sert à rien. Si ton cœur est sincère, tu cherches la vérité. Voilà qu'est-ce que le Coran, voilà la situation du Coran. Pas altéré, tout le monde le lit, lettre par lettre, mot par mot. Tant de personnes le lisent, tant de personnes l'ont chez eux à la maison, chez elles à la maison, etc., etc., etc. Est-ce que c'est le cas pour la Bible? Non. Est-ce que vous avez la version originale de la Bible, de la Torah ou bien de l'Évangile? Quand on parle ici d'original, pas seulement ça veut dire celle qui n'a pas été altérée, mais on parle aussi de dans sa langue principale, dans sa langue de révélation en quelque sorte, sa langue originale. Est-ce qu'elle existe? Elle n'existe pas, ça c'est un fait. Personne ne peut débattre, il va te dire, moi j'ai l'évangile, c'est moi, chez moi, dans sa langue originale. C'est des traductions. Ça veut dire, chaque peuple a sa propre traduction. Entre les traductions maintenant, il y a des versions. C'est normal, même nous dans le Coran al-Karim, les traductions, il y a des versions, c'est parce qu'on va le voir, Inch'Allah, la traduction n'est pas un Coran, c'est une traduction, c'est une approximation, n'est-ce pas? Mais le Coran, nous l'avons. De référence. Est-ce que vous le lisez autant que le Coran al-Karim? Quand tu vas à l'église, est-ce que tu vas trouver fréquemment des gens comme ça assis à l'église pendant une heure, deux heures en train de lire la Bible comme ça, il lit et il révise et il va apprendre par cœur? Est-ce qu'ils font des halakat pour l'apprentissage de la Bible? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cours pour apprendre la Bible par cœur? Combien de personnes étaient inscrites à ce genre de cours? En général ou dans... Non, je parle en général. Je parle au niveau de la communauté. Ça veut dire le taux par rapport aux chrétiens. Ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose qui est très fréquent? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ce genre de choses? Est-ce que les gens sont très intéressés à ça? Non, c'est certain que non. Ça veut dire, tournez-vous vers vos collègues au travail, à l'école, etc., qui sont des chrétiens, des juifs. Dis-lui, allez, commence à me dire comme ça par cœur un chapitre de la Bible. Dis-moi du par cœur. Combien de personnes vont pouvoir le dire, vous le citer? Très rare, n'est-ce pas? Très, très rare, le nombre de personnes qui vont pouvoir le faire. Et comme j'ai dit, ça reste que c'est une traduction, sans parler du fait que ce n'est même pas la version qui est original, voyez-vous? Et telle chose, tu vas dire à la personne, penses-tu qu'un être humain tout seul, un seul être humain, si on va dire que la Bible, que ça c'est vraiment le message de Dieu, c'est le dernier message de Dieu, il n'y a rien après ça, etc. Est-ce que c'est logique de dire qu'un seul être humain, dans le désert de l'Arabie, il y a de cela 14 siècles, qui était illettré, peut inventer un livre comme ça? Qui est plus récité que la Bible, plus mémorisé par cœur que la Bible, qui serait le livre de Dieu, qui a la capacité d'être inaltéré après 14 siècles, ce que même, entre guillemets comme ça, bien sûr ce n'est pas notre croyance, on est en train de dire, c'est un débat, n'est-ce pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. C'est un débat qui est pour montrer à la personne c'est où la vérité. Que même Dieu, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, n'a pas pu comme ça préserver son livre, il l'a perdu, c'était son dernier livre, et le livre est perdu, il n'existe plus dans sa version qui est originale, dans sa langue originale, etc. Et que cet homme-là de l'Arabie, il a pu nous ramener un livre qui reste le livre le plus préservé du monde, et le plus lu du monde, etc. Est-ce que c'est logique qu'un être humain puisse faire quelque chose de meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est impossible. Voyez-vous, ça veut dire que ça ne peut être que le livre... Si tu acceptes de dire que la Bible, c'est le livre de Dieu, mais Bibi Aoula, tu n'as pas d'autre choix à dire que le Coran aussi, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quelqu'un qui ne croit pas à la Bible, personne qui est athée, c'est une autre logique de discussion avec elle. Oui. Oui, Taurat, elle est modifiée et l'Injil est modifié. Je sais que la Bible est venue ensuite la Torah, ensuite la Torah avait dit, la Bible avait été changée. Parce que le droit d'imposer cette question-là, mais je crois qu'elle a même besoin de protection. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas mis une protection pour que la Torah... Taïb, excellente question. La sœur, elle pose. Et ça, on en parlait un peu quand on a parlé de la question, quand on a parlé de l'histoire du Coran, n'est-ce pas? Première chose, je répète encore une fois. La Bible, c'est deux choses. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est la Torah et l'Évangile. La Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam, Moïse avant Isa alayhi salam, l'Évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam, après Moussa alayhi salam. Les deux ont été altérés. La sœur, elle pose, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été altérés? Tout simplement, est-ce que c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas les protéger, les préserver? Là, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'elles soient altérés, c'est parce que c'était des messages qui étaient temporaires. La Torah était pour le peuple de Moussa alayhi salam. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Isa alayhi salam. Et le message de Isa alayhi salam, il a abrogé le livre de Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, pour faciliter la religion aux gens lors du temps de Isa alayhi salam, il a fait disparaître les traces de la Torah. Pourquoi? Pour que personne ne puisse dire: regardez, moi j'ai la Torah dans son intégralité. Toi, tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'Évangile. Moi, je choisis plutôt la Torah. Et les deux, on va avoir un livre divin. On va commencer à se chicaner. Alors que c'est un livre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va dire, non, ça c'est meilleur. Et toi, tu vas dire, ça c'est meilleur, etc. Ou man qala, celui qui dit que non, ça c'est meilleur et ça c'est pas bien, etc. Ça peut tomber sur le livre en tant que tel. Ça va devenir un kufr billah azza wa jal. C'est la même chose aujourd'hui. Si aujourd'hui, on avait le Coran, la Torah et l'Évangile, les gens ils vont dire, oh Allah, mais nous on est confus. On a trois livres divins. Chaque livre nous demande de faire quelque chose qui est différent. Comment est-ce que je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui me prouve que ça c'est meilleur que ça? Et qu'est-ce qui me prouve que ça c'est le dernier message? Peut-être que l'autre était avant lui, etc. Allah subhanahu wa ta'ala sha'a liyaqta'a al-'udhr, pour que les gens n'aient pas d'excuses, pour qu'ils ne disent pas, mais on était confus. Il leur a dit, non. Ce message, le dernier message qui est le Coran Karim, non seulement il est là pour abroger les autres messages qui étaient là avant, mais en plus de ça, les autres messages n'existent même plus. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, tu n'as même pas de confusion en quelque sorte. C'est le seul livre qui existe qui vient d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ça, bien sûr, quand on parle d'un croyant, ça veut dire un croyant au sens général, pas le mu'min que nous on connaît en islam, ça veut dire quelqu'un qui croit en Dieu. Ta croyance en Dieu, en un Dieu qui est miséricordieux, qui va nous juger, si tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, il est miséricordieux, que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous juger, qu'il va avoir un jour dernier, etc. Ça implique essentiellement et nécessairement qu'il doit y avoir un livre de Dieu, un message de Dieu maintenant. Vous comprenez? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala va me juger, si je sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, il est le créateur, il va me juger. Et va me juger selon ce qu'il m'a demandé de faire. Il me demande de suivre ses prophètes, etc. Mais moi, je veux dire, mais ces livres n'existent plus. Il n'y a pas de livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est injuste. Je n'ai pas reçu de message. Les autres l'ont reçu. Moi, je ne l'ai pas reçu et je vais être responsable. Jugé par rapport à une loi qui est altérée. C'est injuste. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé notre prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens du livre de nos jours, ils n'ont pas d'autre choix. soit il nous ramène le livre qui est inaltéré, ça veut dire il doit me ramener, par exemple, s'il dit on doit suivre seulement Isa alayhi salam, ramène-moi l'évangile qui est inaltéré. Je vais avoir un évangile sur lequel tout le monde s'entend. Il va me dire ça c'est l'évangile. Là tu pourras commencer une discussion avec moi sur ce point-là. Tant que tu ne me le ramènes pas, c'est injuste. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas me demander à moi, serviteur faible, de suivre la loi qui est dans l'évangile alors que je n'ai pas accès à l'évangile. Ça veut dire quoi? Soit qu'il n'y a plus de livre, ce qui serait aussi injuste, ou bien qu'il y a un autre livre quelque part, après l'évangile, ou avant l'évangile qui est préservé. Il est où ce livre? On veut chercher. On va chercher à droite et à gauche, toute personne qui est honnête bien sûr, qui est douée de raison, sa simple conclusion directement, comme ça direct, ça va être le Coran. Ça va être le Coran Karim. Ça ne peut pas être caché parce qu'un livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, comme on l'a mentionné, de sa nature, c'est une guidée. C'est pour l'humanité. C'est là, c'est clair. Tu veux chercher la vérité, il est devant toi. Ouvre-le et va le lire. Voyez-vous? Ce que toujours, moi, je dis aux chrétiens quand ils commencent, quand ils viennent commencer comme dans des activités de da'wah, etc., demander des questions comme ça. Ils disent oui, mais la Bible, ça reste que oui, c'est vrai, c'est altéré, mais écoutez, moi en tant que musulman, si le Coran, ce n'était pas, si on va dire comme ça, on va admettre que le Coran, ce n'est pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le seul livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la Torah ou c'est l'évangile, malgré qu'ils sont altérés, ça serait injuste que moi je vais aller en enfer. Pourquoi? Parce que je vais dire à Allah le jour du jugement, « Ya Allah, tu as laissé un homme comme ça, « Hachahu an dhalik alayhi salatu wassalam » mais c'est une discussion encore une fois, tu as laissé un homme qui est un menteur, il a menti à ton sujet, il a menti sur Allah subhanahu wa ta'ala, il a inventé un livre comme ça, parfait, bien fait, etc., très puissant, préservé pendant 14 siècles, ce que même ton livre à toi, il n'a pas pu faire, Ya Allah. Et après ça, cet homme-là, selon ce qu'ils disent, bien sûr, il a égaré plus de 1 milliard de personnes en une seule fois, sans parler des générations du passé. Et moi, je vais dire, c'est pas de ma faute. Je suis arrivé, je me suis dit, ça c'est logiquement comme ça, c'est ce qui est de plus puissant, ce qui est de plus convaincant, de plus clair, que ça, normalement, c'est le message de Dieu. Alors si je vais arriver devant Allah ce matin, le jour du jugement, il va me dire, non. Ça, c'était le message d'un menteur. Et mon message à moi, c'était le message altéré, qui existait à peu près comme ça. Que tu devrais quand même suivre. Est-ce que c'est juste? Ça veut dire que soit Allah subhanahu wa ta'ala, il est faible, ta'ala an dhalik, il ne peut pas faire face à un homme dans le désert qui est plus fort, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas miséricordieux. Il veut nous jeter en enfer. Il veut nous mettre dans la confusion. Il nous envoie un homme très puissant comme ça, qui va nous mettre dans la confusion. Wa ta'ala Allahu azza wa jalla an dhalika kulli. Oui. Est-ce que c'est vrai que, contrairement à la Torah et l'Évangile, le Coran a été conçu pour l'ensemble des humanités, non seulement pour l'Israël, et la Torah, oui, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des fondements de notre aqidah. Coran al-Karim, contrairement aux livres précédents qui étaient destinés à leur peuple, n'est-ce pas? وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَمُ. Le prophète عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَمُ a été envoyé à toute l'humanité. Ça veut dire, de nos jours, personne ne peut dire, ça c'est pas mon prophète. C'est le prophète de tous les êtres humains, عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَمُ. Et toute personne qui a vécu après la venue du prophète alayhi salatu wasallam en tant que prophète et qui a entendu parler de lui, le jour du jugement, le prophète alayhi salatu wasallam va témoigner que moi, j'ai passé le message. Et j'étais leur prophète, ils m'ont obéi ou bien ils m'ont désobéi. Oui. Ok, très bonne question. On va le voir, regardez. On va voir dans le deuxième chapitre, Inch'Allah Azza wa Jal, quand on va parler de l'introduction du tafsir, on va voir toute une section sur la traduction. C'est quoi la place de la traduction du Coran? Et on va voir que la traduction, et c'est très important à comprendre, la traduction, ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La traduction, c'est un tafsir, c'est une explication du Coran dans une autre langue que la langue arabe. Ça veut dire, sa raison d'existence, c'est quoi? C'est essayer de te rapprocher les sens. Ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ça le Coran. On n'appelle pas ça un Coran. C'est une traduction des sens de l'Coran, Al-Karim. Ça veut dire, c'est très normal qu'il y ait une différence entre une traduction et une autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, entre guillemets comme ça, bien sûr, ce n'est pas le mot qu'on utilise pour attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour vous expliquer, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas responsable des traductions des êtres humains. Ça veut dire, les êtres humains ne représentent pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est leur traduction, il veut t'aider. Il veut te ramener une information en quelque sorte. Non. On va parler de ça en détail, bi'idnillah azza wa jal, quand on va revenir à la question de la traduction. Il y avait une autre question? Oui. Non. Pas à ma connaissance. Zabur, c'est le livre de Daoud alayhi salam, et pas à ma connaissance aujourd'hui, je n'ai jamais entendu parler de personne qui prétend avoir comme ça des restes de Zabur. Non. Quand on a, par exemple, je sais pas si on va appeler ça un Coran ou pas. Oui. Il y a la traduction et dans la même page il y a les ayats du Coran. On va parler de ça inchallah. On va parler de ça. Bi'innillah azza wa jalla. Oui. Talmud, c'est chez les juifs. Ce n'est pas quelque chose qui vient dans sa référence, ce n'est pas une expression qui vient de notre religion. Ce n'est pas comme Taurat ou l'Injil. Taurat ou l'Injil, eux ils l'appellent la Torah, moi je l'appelle Al-Taurat. Je suis d'accord qu'à l'origine c'est le livre de Moussa alayhi salam. Talmud, je ne sais pas en détail c'est quoi exactement. On peut faire une recherche, mais c'est rien de relié à l'islam directement. Ce n'est pas comme Taurat, oui. T'as même pas à expliquer qu'elle était juste pour Banu Israël. Toi, ton objectif, c'est pas pour lui dire de le convaincre que c'était pour Banu Israël. Ton objectif, c'est de l'inviter vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le message d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ce que tu peux faire, c'est jouer sur un autre domaine, qui est de lui prouver que sa religion était pour un temps qui était limité. C'était pas pour l'éternité jusqu'à la fin des temps. C'est pas pour toute l'humanité en termes d'existence temporelle. Comme j'ai dit, c'est tout ce que je viens de mentionner maintenant. C'est très simple. L'argumentation est très simple. Tu lui dis, si Taurat ou bien l'Injil était une religion et un message pour l'humanité jusqu'à sa fin, ça implique que ce message-là doit exister jusqu'à la fin des temps. Ce qui n'est pas le cas, ce qu'il fallait démontrer. Fini. C'est clair? Non. Oui. Peut-être, Allahu A'lam, je ne sais pas. Je ne sais pas, Allahu A'lam. On peut faire une recherche là, sur ce sujet-là, inchallah. Il y avait une question? Moi, je voulais juste faire un point concernant les Maïsa al-Islam. Vous corrigez, pour ça, je sais que Jésus a dit à son peuple que s'il voulait dire la vérité à son peuple, il dirait, mais il ne pourrait pas comprendre dans le sens qu'ils ne sont pas aptes intellectuellement à comprendre. Non, ça c'est pas dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, c'est dans, peut-être dans l'israéliette, mais c'est pas dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas dans le hadith du prophète. Et je ne pense pas que ce soit vrai aussi. C'est parce que, encore une fois, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont envoyés comme une guidée. Ça veut dire qu'ils ne cachent rien. Quand ils sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne cachent rien. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est simple. Elle ne demande pas une intelligence qui est exceptionnel. C'est parce que la religion, c'est une guidée. Ce n'est pas un test, ce n'est pas un examen. Un examen comme pour te faire échouer, mais c'est pas comme dans ce bas monde, c'est pas pour filtrer les étudiants. C'est un examen pour tester ta volonté. Tu veux Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux la vérité? Voilà le chemin du paradis et tu peux le trouver facilement. On va juste avancer, inchallah, pour ne pas... et après ça, on va continuer avec les questions. Bi'idnillah azza wa jal. Un dernier point sur les miracles, et bien sûr, c'est un... Yani, bahru lasa hilalahu, c'est un océan qui ne va jamais se terminer, cette question des miracles, mais juste pour donner, comme j'ai mentionné, un certain point de repère. L'un des miracles de Al-Qur'an al-Karim, qui nous démontre encore une fois que le prophète, alayhi salatu salam, ce n'est pas sans œuvre en tant que personne, c'est que Al-Qur'an al-Karim, est-ce qu'il a entre guillemets, existé pour défendre les intérêts du prophète, alayhi salatu wassalam? Un homme habituellement qui écrit un livre, qui demande la puissance, qui demande n'importe quel intérêt de ce bas monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se vanter, va parler de soi-même, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez, surtout que c'est un homme qui obéit, les gens le croient comme ça à l'aveuglette, ils disent toi tu es un prophète, qu'est-ce qu'il dirait normalement? Il va assurer son avenir, l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants, de toute sa descendance, n'est-ce pas? Il va dire, hey, mon petit-fils qui va exister après ma mort devra être celui qui est le plus noble. Et celui qui va venir après lui devra être toujours le gouverneur. Et celui après ça, vous devez lui donner toute votre richesse, etc. Bien au contraire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a des versets dans le Coran al-Karim qui utilisent même un temps qui est fort envers le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est une correction du ciel qui est descendu. « Abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma, wa ma yudrika la'allahu » Yazakka, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, quand il a fait cette erreur avec l'a'ma, avec cet homme, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait parce qu'il voulait faire la da'wa aux grands de Quraysh, etc., mais Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a corrigé. Nazala at-taswibu mina as-sama. Il a dit, non, c'est pas ça les priorités, c'est comme ça que tu dois faire. Et parfois, c'est encore fort, n'est-ce pas? Même si le prophète alayhi salatu wassalam, ça ne veut pas dire qu'il l'a pas fait. Regardez, ya ayyuhan nabi yuttaqillah. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Oh, toi le prophète, crains Allah. Est-ce que ça veut dire que le prophète a.s. ne craignait pas Allah? Non, حَشَا وَعَنْ ذَلِكَ. Il craint Allah. Mais même lui a.s. il fait partie de ceux à qui le message s'adresse. Ça veut dire qu'il doit craindre Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire qu'on ne va pas trouver dans le... Normalement, quand un dignitaire il va écrire un livre, etc., vous regardez les gens de nos jours, n'est-ce pas, même parfois les savants musulmans, quand il écrit un livre sur l'islam parfois, il va te faire une préface comme ça, il veut, c'est un être humain, il veut mettre quelque chose dans l'introduction, dans la préface, ou bien dans l'introduction en tant que telle, il va dire, et je ne vais pas oublier de remercier mon épouse qui a été patiente pendant toutes ces années que j'ai mis pour préparer cette thèse de doctorat et cette recherche, etc., ce livre de tafsir. Et l'autre, il va dire, je fais une offre de ce livre à mes parents qui m'ont pris en charge et qui m'ont enseigné la religion, etc., etc. Est-ce que le prophète, alayhi salam, te parle de ça dans le livre, dans le Coran Karim? Est-ce que ça parle, son épouse, il la remercie tellement, et c'est une femme tellement gentille? Non. Ummahatul mu'minin, ça te dit, c'est les mères des croyants, parce que c'est quelque chose de relatif à ta foi, mais pas plus. Tabri'atu Aisha radiallahu ta'ala anha, quand elle a été accusée, Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocentée, mais pas plus. Ça veut dire, ce n'est pas un livre qui était là pour servir les intérêts d'une personne. Et personne, encore une fois, personne de raisonnable, il n'y a pas un être humain comme ça, de raison, c'est impossible. C'est quelque chose qui sort de l'humain. On n'a jamais entendu parler de ça, qu'un être humain puisse avoir tellement de puissance, tellement intelligent, te faire quelque chose de tellement extraordinaire, et après tout ça, il va être tellement humble comme ça qu'il va s'oublier. Qui peut faire une chose qui est pareille? Impossible. Ça veut dire, ça ne peut être que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, on passe au deuxième chapitre, bi'idnillahi azza wa jalla, qui est une introduction au tafsir. C'est quoi le tafsir? Quel est le sens de tafsir? C'est quoi ce mot-là, tafsir? Est-ce que vous avez la réponse? Explication de? Des versets. Donc ça, tafsir, c'est l'une des sciences principales de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, qu'on nomme parfois la science de l'exégèse. Tafsir al-Qur'ani al-Karim. Tafsir al-Qur'an al-Karim. J'ai préféré utiliser le mot tafsir comme ça tout au long du séminaire, inshallah, pour que vous soyez toujours familier avec ce mot. Parce que, bien sûr, on a toujours les livres de tafsir. Tafsir ibn Kathir, tafsir tel, tafsir tel, tafsir tel. C'est quoi le tafsir? C'est une science qui t'explique, qui cherche, qui étudie, qui cherche à comprendre l'essence des versets du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire la science de l'interprétation du Coran. Et ça, c'était un chapitre, on entre ici dans un domaine très important. Vous avez probablement entendu parler de nos jours de toute la question de l'interprétation de la religion. Ils vont te dire, mais on ne sait plus qui croire. Le Coran, oui, le Coran, mais chacun fait sa propre interprétation du Coran. On va suivre qui ? Etc, etc. C'est de ça qu'on va parler maintenant, bi'idnillahi azza wa jal, et lors de notre prochaine séance, la fois prochaine, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une petite introduction à cette science qui est la science de at-tafsir. On va commencer par la définition. La définition de at-tafsir. Dans la langue arabe, quand on parle de at-tafsir, ça vient de al-fasru. Al-fasru. Wa ma'nahu al-ibanatu wa al-kashf. C'est le fait de dévoiler quelque chose qui était en quelque sorte caché, toi tu vas takshifuha linnas, tu vas la dévoiler. Et c'est de là, de as-safr, le fait de dévoiler, que vient le mot at-tafsir, taf'il. Ça veut dire ici c'est une action. L'action de dévoiler. Qu'est-ce qu'on dévoile ? Dans notre situation, on dévoile quoi exactement ? L'essence. L'essence des versets du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et un autre nom qui est utilisé en arabe pour déterminer ou bien pour référer à cette question de at-tafsir, à cette science de at-tafsir, parfois en arabe on l'appelle ilmu at-ta'wil, la science de at-ta'wil. Vous allez avoir ça écrit dans vos notes de cours, inshallah ta'ala. At-ta'wil. À ne pas confondre avec le concept de ta'wil que vous allez trouver parfois dans les cours de aqida, de croyance, et qui a été inventé quelques siècles après le temps du prophète alayhi salatu wassalam, et ça on va en parler dans notre cours de croyance, de aqida. Donc le mot ta'wil en tant que tel, il peut porter deux sens. Le premier sens qui est voulu ici, c'est le tafsir, l'explication du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un autre sens qu'on va laisser pour le cours de Aqidah inshallah ta'ala, qui ne nous concerne pas vraiment. On a un hadith ici du prophète alayhi salatu wa salam, le hadith authentique, quand il a fait un dua pour Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ça fait pas mal longtemps qu'on n'a pas eu un hadith, n'est-ce pas? Pendant presque toute la journée, aujourd'hui, on parlait de versets, c'est normal. C'est un cours sur le Coran al-Karim. Je vous dis ça, c'est parce que juste hier, comme ça, j'étais dans une mosquée dans laquelle je devais faire un petit cours comme ça, une petite halaqa, un petit discours comme ça après la salate. J'avais promis de le faire. Et ça arrive, parfois, tu n'as pas le temps. J'ai vraiment pas eu le temps hier de préparer quelque chose de spécial. Donc, quand tu es dans une telle situation, qu'est-ce que tu fais ? Tu recycles. Tu prends quelque chose qui est prête et tu vas. Donc, j'ai pris comme ça une partie de ce que j'avais préparé pour ce séminaire qu'on est en train de faire aujourd'hui. J'ai dit, je vais résumer ça et je vais faire de ça un cours. Ce qui est arrivé, c'est que le frère là-bas, le cheikh, le imam de la mosquée, il insistait vraiment. Il a dit, avant qu'on commence, on va ramener tous les jeunes, ils vont s'asseoir ici en avant. Et on va faire un concours pour qu'ils puisse porter l'attention. C'était une halaqa en français. Il a dit pour qu'ils se concentrent, pour qu'ils soient intéressés par le cours. Ils vont tous s'asseoir ici et on va leur poser une question à la fin. Et le truc, c'est que le cheikh, lui, ne comprend pas français. Ok ? Donc, lui, dans sa tête, il s'est dit, je vais leur poser une question facile, comme ça, standard, que je sais que c'est une question qui passe partout. La question, c'était quoi à la fin ? C'était, lors de la halaqa, il y a combien de hadiths qui ont été mentionnés ? Malheureusement, c'était comme aujourd'hui. C'était sec. Il y avait juste un seul hadith au début. Donc le cheikh, lui, voulait les tester en quelque sorte. Tous les enfants, ils ont dit un seul hadith. Ils connaissaient toute la réponse. Donc c'est notre premier hadith depuis pas mal longtemps. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait un dua pour son cousin, Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, anhumain. Et on va beaucoup parler de Ibn Abbas à cause de ce hadith. On va beaucoup parler de Ibn Abbas dans les heures qui suivent, inshallah ta'ala. Il a fait le dua, alayhi salatu wassalam, il a dit, Allahumma faqihu fi dini wa allimhu at-ta'wil. Oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et accorde-lui aussi la science de at-ta'wil. At-ta'wil, encore une fois, ça veut dire l'interprétation du Coran. Ça veut dire Allah, le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait un dua, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ce jeune homme qui est Ibn Abbas radiyallahu anhuma un expert, quelqu'un qui se distinguerait dans la science de l'interprétation des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va beaucoup de parler de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma quand on va avancer un peu plus en détail bi'idnillahi azza wa jal. Si vous êtes patient avec moi, on va juste faire en 10 minutes comme ça la prochaine section sur les degrés du tafsir, les niveaux du tafsir. Ceux qui sont, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent partir? Donc ceux qui doivent partir, pas de problème inchallah, parce qu'il y a juste 3 personnes. On va continuer bi'idnillahi azza wa jalla, barakallahu fik. Vous allez pouvoir écouter ce dernier 10 minutes chez vous inchallah ta'ala à la maison avec les enregistrements. Donc notre dernier 10 minutes inchallah, deuxième section sur les différents degrés de at-tafsir, les différents niveaux de at-tafsir. Il y a divers niveaux de at-tafsir dans le Coran al-Karim. Et ces différents niveaux, on va les prendre d'une parole de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ça commence, on vient de mentionner du'a pour Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et voilà que Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il commence à intervenir dans notre séminaire. Il a dit Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, at-tafsiru ala arba'ati awjuhin. Il a dit il y a 4 niveaux de tafsir, 4 niveaux et 4 degrés de tafsir dépendamment des versets. Ça veut dire, c'est pas tous les versets ici nous parlent. Il est en train de nous dire que ce n'est pas tous les versets qui sont au même niveau de facilité, d'interprétation. Qu'il y a une interprétation facile, interprétation plus profonde, d'autres versets qui demandent une connaissance encore plus profonde, etc. Il y a des arba'ati awjuh, 4 niveaux. Wajhun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha. Il y a certains versets que les Arabes peuvent comprendre avec leur langue. Ça veut dire, si tu es très bon dans la langue arabe, tu comprends la langue arabe comme elle existait lors du temps du prophète, la langue de Quraysh, pas la langue de Molière, la langue de Quraysh, tu peux comprendre ces versets-là. Tu vas dire, ce verset, tel mot veut dire telle chose dans la langue arabe, tel mot veut dire telle chose dans la langue arabe, et ainsi de suite. وتفسير لا يعذر احد بجهالته. Deuxième niveau, il ne mentionne pas ici en termes de niveau croissant, il le mentionne de façon aléatoire. Et il dit certaines formes de tafsir, un niveau de tafsir, certains versets que personne ne peut ignorer. Personne ne peut prétendre ne pas comprendre. Ça veut dire si tu comprends le ABC de la langue arabe, tu vas les comprendre. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Dis, c'est lui Allah, l'unique. N'importe quelle personne avec un minimum de la connaissance de la langue arabe, il va comprendre c'est quoi ce verset. Après ça, il dit وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاءُ. Et une autre forme de tafsir, un autre niveau de tafsir, que c'est seulement les savants, les ulama, qui le connaissent. Ça veut dire, c'est pas suffisant d'avoir une excellente connaissance de la langue arabe, tu dois aussi bien comprendre la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, comme c'est le cas par exemple, comme on va le voir la prochaine fois inshallah ta'ala, on va parler des versets à équivoque, des versets qui sont al-mutashabihat, on va voir que c'est al-ulama qui peuvent les comprendre en quelque sorte. Et par la suite il a dit wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah. Et certains, un autre niveau de tafsir, c'est des versets que seul Allah subhanahu wa ta'ala, il sait c'est quoi leur sens. Comme le frère nous a demandé cette question, on avait mentionné cet exemple, comme al-huruf al-mutaqatti'a, les lettres qu'on trouve parfois comme ça au début de certains chapitres, hamim, alif lam, mim, nun, sad, etc. Quel est leur sens? Allah ta'ala a'lam. Et il n'y a pas de takalluf, il ne faut pas exagérer dans notre tentative de les comprendre, comme certains, parfois, ulama, ils sont tombés dans cette erreur, ils ont essayé de faire le takalluf. Ils ont essayé de compter le nombre de lettres et multiplier le nombre de lettres, etc. pour essayer de sortir avec des nombres magiques, comme ça, avec des mots magiques. Il n'y a rien de spécial. Leur tafsir, ilmuhu inda Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît leur sens. Nous, on les récite et on prend leur, en quelque sorte, le hadr de la récitation. Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois, on va détailler un peu plus ces quatre niveaux de tafsir. Jazakumullahu ta'ala khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.